Thank you. We'll jamming. Hey, let's try it. You guys want to try a different beat? A different riff? Let's play our blues, perhaps. All right, Stefan, Souleur. Souleur, Stefan. Shuffle. Thank you. Qu'est-ce qui se passe, mon Stéphane? M'entends-tu? Wow, je pense que tu m'entends en retard. Fucking weird, man. On devrait changer de serveur, man. Peut-être que c'est le serveur qui est pas bon.